Les autres étrangers, notamment les délégations du Parti communiste suisse et de l'Assemblée préfectorale de Nagano du Japon pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée, ont déposé le 6 août les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu pour rendre leur hommage.